C'est à moi qu'échoit la garde de l'enfant. Un jour, dans le grenier des Sablonnières, je découvre dans un cahier de devoirs mensuels le secret de mon ami. Mon avait revu la jeune fille rencontrée devant la maison de Franz. Il allait l'épouser quand il a découvert qu'elle était la fiancée perdue de Franz de Galais. Alors, comme un malfaiteur, il partit en l'abandonnant. Sans doute sans ressources, livrée elle-même, elle est devenue une fille perdue.